Peace, ya, ouais ouais, tu le sais, 137 mec, 1, 3, 7, 0, 0, boum boum, ouais, en ta tête mec, non, tu le sais, ok, ouais. Ce soir c'est pour mes sœurs et mes frères. Ouais, peace mon négro, laisse-moi m'occuper de la prod. Rien à foutre d'avoir le trône, on veut la foule. Si j'ai quitté l'école, c'est que pour le rap ma couille. J'ai préparé les gants, venu pour un homicide. Préviens ta bande, dis-leur que ce soir on met du style. Le monde est stone, donc je sers un verre de sky. Je le scotch, ça devient mon pote et on trek à la racaille. On est en transe, tu veux du frange. Ici c'est nord, faut que ça fasse le tour de la France. Tu demandes quoi encore une bitch et un danseur. Pour faire bouger ça dans les clubs, pour que ça pense. On a nos crasseuses et nos gasses. On est en place, quand on bouge faut que ça passe. On met un peu plus de vie sur la basse. Je maîtrise la rime, non, c'est tout dans la classe. On est là dans la soirée. C'est pour nos sœurs ça. Moi et mes enfoirés. Et pour nos frères ça. On place le niveau à un autre degré. Levez les bras et faites bouger ça, c'est bouger du ça. Stand-up. Ok. Fous tes mains en l'air, on est toujours au pétro côté. C'est Nord qui n'en va pas. Deuxième round, on produit la grâce. De l'under jusqu'à la Fnac, on est venu faire sauter des places. J'ai hérité du blaze, Nord vient laisser des traces. Ça gratte à huis clos et c'est dans ta vie que ça se passe. Laisse-moi poser mes bombes, j'ai rappé pour pas répondre. Venu moi et mon ombre, tu peux décompter les secondes. C'est Nord, hey, on dit man, ne parle pas de dilemme. On fait la zig, c'est notre choix, toujours titulaire. Bouger les têtes, c'est pour les gars, les miss, les crapules, les schmitt, même le maire de ma ville. On fait la balle, grosse casse dédiée à ceux qui se battent. On fête ton départ, MC Calé sur 16 balles. L'enfant du sud, c'est du Nord, viens goûter mon art. Soit tu suis, soit tu sors, c'est du barbare. Enfant du Sud, c'est du Nord. Viens goûter mon art, soit tu suis, soit tu sors, c'est du barbare. On est là dans la soirée. C'est pour nos sœurs ça. Moi et mes enfoirés. Et pour nos frères ça. On place le niveau à un autre degré. Levez les bras et faites bouger ça, c'est bouger du ça. Stand-up. Ok. Fous tes mains en l'air, on est toujours au pétro côté. C'est Nord qui n'en va pas. La vibe. N'est-ce pas Nord qui nov la vibe, ha. N'est-ce pas Nord qui nov la vibe, vibe. N'est-ce pas Nord qui nov la vibe. N'est-ce pas Nord qui nov la vibe. Écoute son ressent cette voix. Ce soir les ladies se dévoilent, oh. Ensemble on bouge, on se lève. Et tout le monde danse au rythme de ma vibe. Écoute son ressent cette voix. Ce soir les ladies se dévoilent, oh. Ensemble on bouge, on se lève. Et tout le monde danse au rythme de ma vibe. On est là dans la soirée. Faites bouger ça la famille. Moi et mes enfoirés. On place le niveau à un autre degré. C'est du stand-up, ok. Fous tes mains en l'air, on est toujours au pétro côté. C'est Nord qui nomme la vibe. On est là dans c'est la pour nos sœurs ça. Moi et mes enfoirés ça. En place le niveau à un autre. Levez les bras et faites bouger ça, bouger ça. C'est du stand-up, ok. Fous tes mains en l'air, on est toujours au pétro côté. C'est Nord qui nomme la vibe. C'est pour mes frères et mes sœurs ça. Moi et mes enfoirés. En place ouais. Le niveau à un autre degré. Man. Ouais ouais. C'est du stand-up. C'est du stand-up. C'est du stand-up. C'est du stand-up. C'est du stand-up. C'est du stand-up.